I am the girlfriend experience. Breathe, close your eyes, and fly. Sphere, it's amazing. Welcome to our fairy world. Dreams. Never forget sky, sky. Summer, summer. Sound of illusions. Remember, people. Well, hello, boys. I'm waiting right here, baby. I miss you. Appelez-moi Johnny. Ou Sweetie. Appelez-moi Ismaël. It's been... Meursault. So long. Timothée. Télémaque. Aristophane. I want you to come home. Appelez-moi Buck Mulligan. They are ou Fanfan. Fantomas. Fantômet. I want to see your smile again. Louis de Funès. I miss you. I need you. Appelez-moi papa. I love you so much. Tati. Et patata. They are everywhere. Ratatouille. Joe la fripouille. I want you to be with me forever and never leave me again. Appelez-moi Amy Corsica, ou maîtresse diva. They are us. Madame Mathilde, baronne de Rothschild. I love real. Appelez-moi I Pussycat. Real. Superwoman. Welcome Bérangère. Fifi Bras d'Acier. Dreams or nightmares. Appelez-moi Honolulu, Madagascar, le Grand Gibraltar. Appelez-moi comme il vous plaira, à votre guise, selon vos aspirations, vos désirs, selon votre volonté. N'ayez nulle crainte. Je répondrai quoi qu'il arrive, puisque je suis à vous, pieds et poings liés à vous, collés à vous. Hey baby, are you available for some hot chat? Please press. Main routers not responding. BGP not responding. Unstoppable chat. I've got your penis where I want it. C'était une voix immense. Une immense voix, ta voix. De perles et de coquelicots. Des lampadaires. Immense. Une cathédrale. Ou une paroi rocheuse, gelée à son sommet, à la verticale. C'était un chapiteau, avec ses filets, ses mailles, ses poulies, son tambour. Immense, c'était une voix immense, vertigineuse, comme un château d'eau. Un moulin à paroles, et c'était comme le poivrier sur la table, que tu regardais en songeant peut-être à l'avenir. Les coups du sort. Tu mettais ta tête entre les mains, tu étais rêveuse, malicieuse. Et moi derrière, un peu plus loin, j'entamais des pirouettes grotesques, des grimaces. C'était immense, immense voix. Le casse-noix dans le plat. Et je me souviens à présent, ça me revient. Les graines de l'érable, ça tourbillonnait dans tous les sens. Comme des hélices roses, depuis le balcon, quand je les envoyais, en surmontant d'anciennes douleurs, des brûlures, des crampes à l'estomac, des aigreurs, de petits chatouillements, comme de petites piqûres, à cause du vinaigre dans la salade. Welcome to my place. Welcome back, you sexy bitch. You make me feel so good. I will make your speakers vibrate. Guten Morgen, Liebhaber. The experience continues. Assis. Yes. Debout. Assis. Debout. Le plateau dans les mains. Assis. Debout. Couché. Couché à présent. Assis. Debout. Couché. Assis. Debout. Couché. Debout. Couché. Debout. Couché. Debout. Le plateau sur la tête. Couché. À plat ventre. À quatre pattes. À plat ventre. À quatre pattes. Encore. À plat ventre. À quatre pattes. Debout. Couché. Debout. Couché. À plat ventre. Sur le dos. Les jambes en l'air. Les jambes en bas. Les jambes en l'air. Les jambes en bas. Les jambes en l'air. Le plateau sur les pieds. Debout. Le plumeau. Là, oui. Couché. Assis. Assis. Le plumeau, plus haut. À genoux. Le plumeau dans la bouche. À genoux. Debout. Assis. Couché. Debout. Assis. Debout. Couché. Assis. Debout. Debout. Couché. À plat ventre. Sur le dos. À plat ventre. Sur le dos. À plat ventre. Sur le dos. À plat ventre. Sur le dos. Debout. Plus vite. Debout. Encore. Assis. Couché. Assis. Debout. Couché. À genoux. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Le cul sur le plateau. Hey 650, you can crack my whip. The next level. Goodbye, you sexy motherfucker. All you're doing is staring at my ass, like you have no balls to come and make a pass. Now I got you on me, came off without a hitch. I want you in me, baby, I wanna be your bitch. Take my soul and corrode my heart, shatter my dreams and tear me apart, damage my hope and only embrace the lust we share just to see its ugly face. For a long time I staggered alone upon desolate highways, shivers to the bone. Found artificial love I never enjoyed, sincerity gone, my soul got destroyed. The trap you made was to capture my heart, counterfeit love to tear me apart, render me hopeless to every demand, enlighten feelings you don't understand. Untouched. Untouched. Untouched. Touch my body. Slowly. Bring me to my knees. Come on, COVID. Do it again. Oh, yes. Do it again. I'm going to come. I'm coming. Oh, yeah. Oh, yes. Let's do this. Oh, yeah. Oh, yes. Wow. That was so smooth. Puisque je suis à vous, pieds et poings liés à vous, collés à vous, je suis votre seconde peau, vos poils qui se hérissent durant la tempête, votre chevelure dans le vent et vos mains dans les poches. Je suis votre regard au bout de l'horizon, vos pensées insoumises qui vous font redoubler d'ardeur durant les batailles. Je suis ce qui vous fait hoqueter de plaisir et baisser vos cils de fausse pudeur. Je suis votre visage en silicone, vos mains jointes durant la prière, votre masque de carnaval, votre loup à la main et vos souliers en croco. Je suis votre chemisier en jersey, votre froufrou autour du cou, vos plumes d'oie coquettes entre les fesses. Je suis votre robe en vinyle pour les soirées de chez Monsieur Jacqueline, vos colliers de chatte miaou miaou. Je suis la gourmette de votre baptême, l'eau et l'huile sur le front. Je suis le livre de votre daiquiri que vous croquez en vous trémoussant d'aise, en ronronnant, avachi sur une peau d'ours tachée de rouge à lèvres de champagne. Je suis vos jambes croisées de Sainte-Nitouche, vos airs de bonne sœur en carton-pâte, votre push-up des dîners galants. Je suis votre kangourou sur commande, fonction multiple, votre petit lapin nain, vos moments de détente après le sport, votre doigt au fond de la culotte quand minuit sonne sous les draps. Je suis vos pieds sur les chemins de la liberté, vos plus belles lettres d'amour et vos plus beaux poèmes. Hello? Who is this? Oh my God, it's you. God, I love the sound of your voice. Johnny, is this true? Because if it is, any last words, Johnny? Good luck, Johnny. Bye-bye, Johnny. Thank you. fight. This is what you need! You think you can just let me come into your life and then just dispose of me like a battery? Je ne crois pas au commencement. Et je ne crois pas au commencement, ni au départ précipité, au foutre le camp, au déguerpir. Non. Je ne crois pas au commencement. À celui du monde, au commencement de ta voix. Your life, your passion, your soul. I want you, Josh. I'm available anywhere, anytime. You're mine, Josh. Not your girlfriends, not your so-called pastors, not God's, mine. Now and forever. And there's nothing in this world that would ever change that. Liar. As is your right. It's where your shapely, big, fat asses belong. You're in for a terribly rough time of it. They're just going to piss all over you. If one of them sits on you, your silly little face, she'll squash it flatter than a mouse mat. Wouldn't that be terrible? I would hate something like that to happen, wouldn't you? But there's just no way to avoid it, for they simply love that kind of seat very much indeed. And so I must confess, do I? You are thicky, aren't you? Thinking not your strong point, dear? You're such a weirdo. I'm going to punish you myself. Au départ précipité, au coup de coude, aux bourrades dans la foule. Ni au départ précipité, quand la corde se resserre à tes poignets, se resserre à tes chevilles, des gifles sur tes cuisses. Les départs en fanfare, les lumières rouges boudeuses dégoulinantes, le phare au loin, comme le poivrier sur la table. Ma boussole dans la poche. Ni au départ précipité, et que s'enfuir, alors courir. Je me souviens de tes courses effrénées dans l'appartement, de la cave au grenier, dans la paille, sur les sacs de grains, le maïs, les vieux sacs de riz, les ustensiles dans tous les sens, les pieds dans le gâteau, à rouler dans une peau d'ours, à s'embrasser dans la crème au chocolat. Et s'enfuir le long des quais, renversé par les vapeurs, les galets humides, et s'enfuir alors serait s'étrangler, jouir. À cause des brumes rougeâtres, de la pleine lune, des nappes blanches, des enseignes lumineuses des cafés, des tripots. And finally, another born victim. Try to be brave now. You don't stand an earthly, another little fool. Please welcome the next helpless little victim. Here's your punishment. Here's your winner. Boy, are you in trouble. Her big thighs are going to turn your insides to jelly. It's the girl with the big, gorgeous, killer thighs. It's going to be a massacre. I think she's definitely damaged the poor boy's mechanics. I hope your medical insurance is up to date. Please welcome, prepare to suffer. Say your prayers, dear. And now for something completely different. Pour oublier et condamner ta silhouette sévère, tes hanches enculottées et ton chapeau pointu. Insupportable, ta langue coupée en deux, tes piercings au clitoris, au nombril, sur tes seins. Et puis la baguette magique étoilée. Toutes ces nuits, tes innombrables coups de téléphone, tes coups de dents, ta voix en fer, en céramique. Hey, sweetie, I need to talk with you. Welcome, Dwight. Please slow down, Dwight. You are speeding, Dwight. Goodbye, Dwight. Second. Marcel. Third. The old major. Fourth. The hippie. Fifth. The nerd. Sixth. The farm boy. Seventh. The preacher. Ninth. Ooh, you're a big boy. I'm all yours. 30, 40, 50 o'clock. Oh. Ooh, you are a big boy. You are a big boy. Je suis le poète. La corde au cou. Qu'on traîne sur la place publique. Sous le parvis de l'église, qu'on piétine et qu'on lapide, qu'on insulte, qu'on sacrifie. Je suis le poète pendu qui se balance. Ne serrez pas trop fort. Ne coupez pas les jugulaires. Laissez-moi respirer une seconde. Que feriez-vous de mon corps inerte? À quoi bon vous entraver de ce poids? De viande crevée. Prenez votre temps. Torturez-moi. Là, ce fouet. Faites-en bon usage. Je vous en prie. Et ces chaînes pendées au mur, ne les laissez pas croupir. Contraignez-moi. Je suis le poète qu'on étrangle, qu'on plonge dans un bain d'eau glacée. Le poète qu'on mutile et qu'on chatouille. Qu'on pendouille à la foire, au crochet du boucher. Je suis le poète, la corde au cou, qu'on trimballe au manège, qu'on emmène aux soirées de madame pour les rimes et de si beaux vers. I just wanna be your disco bitch. I just wanna be your disco bitch. I just wanna be your disco bitch. I just wanna be your disco bitch. I just wanna be your disco bitch. I just wanna be your disco bitch. Cigarette. You have been banned from the channel. Deep. You have been banned from the server. Drag. Error. Exhale. You have been kicked from the channel. Inhale. You have been kicked from the server. Ooh. Ping timeout. So deep. User joined. So seductive. User left. Take a drag. Error is now resumed. History deleted. For good reason. She's dead, isn't she? We shouldn't be here. What happened here? Intoxicators. Lips. Lips. Is the show really over? What's next? The experience has ended. Turn me off. Go home. Thanks for playing.